Qu'est-ce que ça vous donne de m'écouter parler? Qu'est-ce que ça fait, cette affaire-là? Suivre à droite. Suivre à droite. T'étais jeune. Alors, la clé importante que je vous ai donnée à soir, c'est que dans vos relations humaines, dans vos mariages, dans vos liaisons, dans vos intimités, si vous faites de la peine à votre mari et si vous faites de la peine à votre femme, il y a de l'attitude dedans. Cette règle de mesure-là vous permettra de réaliser vos attitudes et de détruire vos attitudes et de faire descendre l'énergie à votre service sur le plan matériel. Vous allez voir que c'est pas aussi facile qu'on pense. Parce que vous allez sentir de temps en temps des impulsions pour lui faire de la peine à votre femme ou à votre mari. Ça passe, c'est plus fort que vous. Paf! Un jour, vous serez obligé d'en arriver à contrôler cette énergie-là. Quand vous contrôlerez cette énergie-là, vous serez dans votre intelligence, vous vous servirez de l'énergie de votre intelligence, vous ne serez plus contrôlé par les forces astrales qui se servent de vos attitudes et qui nourrissent votre corps astral. Ça, c'est un autre paix de manche. Ça, c'est un autre paix de manche. Quand je parle de faire de la peine, là, c'est quand... OK. Quand je dis de faire de la peine à vos maris ou à vos femmes, là, je vous donne cet exemple-là, là. Quand vous pouvez pas... Quand vous êtes capable de faire l'opposé. Autrement dit, dans les relations humaines, il y a un point où tu seras capable de fermer ta gueule. Puis t'en fermes pas ta gueule, mais c'est là, là. Si tu fais la peine à quelqu'un parce que t'es sans dessin et que t'en es même pas conscient, c'est pas de ta faute. Mais quand t'en es conscient, quand c'est toi qui véhicule l'énergie, quand c'est toi qui parle, quand c'est toi qui dirige l'énergie précisément en fonction d'une situation quelconque, il a brûlé tes toasts, elle a brûlé tes toasts le matin, ta femme, tu voudrais l'engueuler, tu retiens l'énergie. Je te donne un exemple. C'est sous ton contrôle, ça. Là où vous pouvez contrôler l'énergie, vous devez apprendre à la contrôler, l'énergie. Là où vous avez la capacité de contrôler. Parce que c'est très important que vous appreniez à contrôler votre énergie. Il y a des gens, l'énergie leur passe dans le corps et ils disent « Ah, ben c'est eux autres en haut! » J'appelle ça les excuses cosmiques. C'est eux autres en haut qui m'ont fait faire ça. C'est eux autres qui me font t'engueuler. C'est pas eux autres qui te font t'engueuler. C'est toi qui t'engueules parce que leur énergie est près de toi et que t'es pas capable de la contrôler. C'est pas la même paix de manche. C'est eux autres. Ils disent qu'il y en a qui est blanc pour toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Les toasts brûlent, là, c'est eux autres en haut. Puis ils disent que le point n'est pas là. Ils disent que le point n'est pas dans le fait que c'est pas eux autres qui t'ont fait brûler les toasts. C'est dans ce qui va arriver après. Eux autres, ils te font brûler les toasts. Eux autres, ils te font brûler les toasts pour que toi, tu aies l'opportunité d'engueuler ta femme. Pour que ça se prenne dans le piège. Faut bien qu'ils te créent une opposition. Fait qu'ils te font brûler les toasts. Ils font brûler les toasts à ta femme. Toi, t'es en maudit. Tu tombes dans le panneau. C'est de même, ça marche. Un jour, quand tu ne pourras plus tomber dans le panneau, ben, ils brûleront plus tes tombes. C'est même ça marche. Ils sont obligés de nous créer une condition, une interférence pour qu'on réagisse, pour voir jusqu'à quel point on va réagir. C'est de même. Quand on est inconscient, ben, on sait ce qui se produit. Quand on se conscientise, on apprend à contrôler l'énergie, puis on apprend à contrôler l'énergie. Puis éventuellement, tu contrôles l'énergie. Puis, c'est bien plus important qu'on pense, contrôler l'énergie. Des fois, c'est dur. Surtout quand tu es conscient des autres, c'est encore bien plus dur. Quand tu te lèves la tête, tu te coins, c'est un armoire. Tu sais, quand tu vas chez un plat, tu te coins, c'est un armoire. Tu sais que c'est eux autres. Il faut que tu contrôles l'énergie. Je te jure. Quand tu commences à saisir, c'est ça, c'est là, c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Faut qu'on en arrive à contrôler cette énergie-là. Fait que là, on la descend ici. Elle nous sert. Rendu à ce point-là, des attitudes, tu n'as plus bien gros, tu fonctionnes. C'est là que l'homme peut vivre sur la Terre, sur le plan matériel, et avoir une belle vie. Donc, quand tu prends cette énergie-là, puis tu t'en sers dans la vie, tu dis que t'en débloques du stock. T'en débloques. Ça, c'est emmagasiner de l'énergie. Exactement. Ça l'emmagasine. Ça l'emmagasine. C'est quoi la différence entre aller contre nos vibrations puis travailler? Vous allez contre vos vibrations quand vous avez des attitudes. Aussitôt que vous avez une attitude, vous allez contre vos vibrations. Aussitôt que tu as une attitude, tu vas contre tes vibrations. Contrôler l'énergie, c'est faire sauter les attitudes. Contrôler l'énergie, c'est le résultat d'avoir pu faire sauter les attitudes. C'est bien important dans les couples. Ça, cette affaire-là. Vous voulez être bien dans votre couple, vous voulez être bien. Les gens parlent des coupes. T'entends ça à la télévision, les coupes. Qu'est-ce que c'est des coupes? La vie de couple. J'ai jamais vu, moi, autant de coupes aujourd'hui qui parlent de la vie de couple qui sont toutes découplées. Il n'y a jamais eu autant d'études, ces coupes, ces accouplements. Les psychologues qui s'accoupent, qui se découpent. C'est rendu que les psychologues sont tous découplés tant qu'ils sont psychologues dans leur couple. Ce qui détruit les couples, c'est les attitudes. C'est important, un couple. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta vie que la personne avec qui tu vis tout le temps? Es-tu marié, toi? Oui. En tout cas, on va vous dire une chose. Moi, je suis un homme fusionné, puis je suis bien centrique. Laisse-moi dire, quand je suis chez nous tout seul, je trouve ça vide en crise. Quand ma femme n'est pas là, c'est plat. Pour nous parler avec eux autres. Elle était là en ville hier, elle était allée se pomponner avec ses chums, là, ses amis de filles. Gisèle Lagrande est partie. Là. Ils sont revenus à 5 heures le matin. Sacrement. Je m'ai couché. 5 heures le matin, chaud. Ils sont allés dans. Pas des clubs, mais des restaurants, puis Cheaton. Ça finissait plus. La tournée des grands ducs, puis un petit duc, puis un autre duc, puis un petit drink là, puis un autre petit drink là. Ils ont eu du fun. Mais c'est sûr que quand tu arrives à la maison, je suis content. Putain, je suis centrique. Mais j'apprécie mon couple, ma vie de couple, ta compagnie, parler avec quelqu'un qui te comprend. Et le monde détruise le couple. C'est vous du combat, puis du combat, puis du combat entre l'homme, puis la femme, puis l'homme, puis la femme, puis l'homme, puis la femme. Faut que ça arrête un jour, ces niaiseries-là. Votre vie de couple, c'est à vous autres. Construisez-la, votre vie de couple. Mais ça, c'est une affaire d'attitude. Voyons, qu'est-ce que je fais avec la cigarette, la limite? Dans la difficulté de contrôler ses attitudes, vous voulez voir, il y a beaucoup de solitude là-dedans. On est seul à savoir comment c'est difficile. Mais l'autre s'en rend pas compte. Vous êtes le seul à savoir, c'est évident. Je vais vous dire quelque chose, ça c'est bien intéressant. Un homme, ils disent que dans un couple, il y a seulement dans un couple conscient, pas dans un couple inconscient. Dans un couple inconscient, c'est impossible. Mais dans un couple conscient, il y a seulement une chose qui peut permettre que le couple devienne indissoluble. C'est la capacité à chacun dans le couple de détruire les attitudes. Un couple qui se conscientise, là, puis qui détruit les attitudes, là, ce couple-là devient indissoluble. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien qui est aussi dépollué que cette condition-là. Voilà, tu veux dire? Ça détruit les perceptions. Bon. C'est parce que c'est un terrain neuf, c'est un terrain qui est clair. Tu peux pas retourner, puis t'as plus à force. Tu sais que quand tu te conscientises, là, puis t'es avec ta femme, puis ton mari, là, puis t'en arrives à un point où l'atmosphère entre les deux est totalement claire, il n'y a plus de pollution. T'as plus à force. D'abord, la condition t'empêche de te séparer, ça c'est une chose, mais je parle au point de vue théorique. Supposons qu'elle meurt ou quelque chose. T'as plus à force. Moi, si ma femme mourait demain matin, j'aurais pas à force de recommencer avec une autre femme. Tout recommencer le travail de conscience. Tu seras pas capable? Je me louerais un butler, puis je dirais, bon, ben, serre-moi mon déjeuner, puis, tu sais, fais mes commissions. Tu seras pas capable? Je n'aurai pas en face. Je pourrais avoir une compagnie, ainsi de suite, mais je pourrais pas vivre avec une personne d'une façon permanente. Je n'aurai pas en face. Comment qu'elle serait bien fine, puis tout ça? Parce que tu es obligé, quand tu te conscientises, de vivre, de créer un éther. Fait que tu crées un éther pendant des années de temps, puis éventuellement, cet éther-là est tellement parfait. S'il y a une séparation de corps, tu peux plus recommencer. C'est impossible. C'est impossible. Il y a trop de travail. C'est du travail pendant des années de temps, puis des années de temps. Ça veut dire qu'on est plus, on serait plus perturbé au niveau de la concentration à cause de ça. On serait plus quoi? Bon, ben, les gens le disent souvent. T'as des gens, des fois, qui ont été mariés, là, qui ont eu des expériences. Il y a mieux célibataire. Tu fais une compagnie, c'était là, là. Mais recommencer, ils sont plus capables. Fait qu'imagine-toi quand t'es conscientiste, t'es en compé. T'es plus capable. Et ça t'affecte pas. Que tu partages plus, là, disons qu'à partir de demain, non, tu changes ton intelligence. T'as assez d'intelligence pour faire d'autres choses. T'es pas affecté émotivement. Mais tu vas faire d'autres choses. Je me rendrai la vie facile, comme je te dis, je me rentrerai un butler, puis final. J'aurais besoin d'un butler à la maison, tout bien pour rester à la maison tout seul. Parle avec mon chat. Me ferai venir un butler. Je m'engagerai un butler. Quelqu'un qui a une bonne vibration, là, avec qui je peux parler. Mais je vivrai pas avec une femme. Non. Je vivrai avec un homme, c'est final. Il y aura ses appartements, moi, j'aurai mis. Si je veux une femme, là, je rencontrerai une femme. Mais je pourrais pas vivre avec pour commencer. T'as qu'un butler, mais c'est un butler, tu le payes, puis il est gentil, une bonne vibration, intelligent. Ça te fait une compagnie. Je recommencerai pas. C'est pour ça que je dis, au fur et à mesure que vous vous conscientisez dans la vie, détruisez-les vos attitudes pour avoir des relations de couple qui sont parfaites. Mais vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas vivre une relation de couple parfaite tant que vous détruirez pas les attitudes. Ça devient indissoluble. Ça devient indissoluble. Ben, justement. Bon. À défaire ça, vous n'avez pas de problème. C'est le seul terrain vierge qu'on connaît dans le. Ben, ça peut devenir un terrain vierge, et le seul terrain vierge. C'est ça. Bon, définitivement, c'est ça. Ma femme m'a dit souvent, moi, si je partais, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Penses-tu qu'elle va aller chercher un japonais? Ah. Elle prendrait un appartement, puis elle sortirait, mais elle vivrait seule. Même Gisèle, elle va vous dire la même chose. Gisèle, ça appartient à son mari, mais elle vivrait seule, puis elle serait bien. C'est assez centrique, rendu à ce point-là. Elle se fait des amitiés, puis... Tu peux plus! Parce que l'éther est trop raffiné. Et quand c'est rendu, que tu communiques avec ta femme télépathiquement, là, chose, il n'y a plus grand perte d'énergie, là, tu sais. Bon. C'est parce qu'il n'y a plus d'attitude. Un mariage parfait, ça existe des mariages parfaits, moi j'en connais. Parfait. C'est des mariages qui sont indissolubles. Il n'y a rien dans la vie qui puisse venir pour briser ça, c'est impossible. Là, c'est bon de vivre avec une femme ou un homme. C'est bon de vivre à deux. Et l'homme et la femme sont faits pour vivre à deux. Ceux qui vivent seuls, ben, ça fait partie de leur expérience. En tout cas, moi, je parle trop de vivre seul. J'ai besoin de... Mais je sais une chose, que les gens qui vivent seuls, c'est parce qu'ils ont des attitudes. Mettez ça dans votre pipe. Parce que dans le monde, il y en a du monde. Est-ce que c'est pas un peu lié à ça, des fois, si... Ils disent que sur la Terre, il y a un homme pour chaque femme. C'est vibratoire, ça. Mais il faut que tu aies la vibration, il faut qu'elle descende, la vibration. Faut qu'elle descende. Quelqu'un qui veut une femme ou un homme, là, qui veut réellement rencontrer une femme ou un homme dans la vie, il ne peut pas ne pas la rencontrer. Mais si c'est bloqué, à ce moment-là, ça va bloquer. Alors, qu'est-ce qui va bloquer ses attitudes? Puis les femmes sont bien plus sujettes aux attitudes que les hommes. Parce que les femmes ont des facteurs à considérer. Ils ont leur âge, ils ont leur beauté physique, ils ont leur apparence physique, ainsi de suite. Tandis que les hommes n'ont pas tellement leur apparence physique. Un gars qui a moindrement une personnalité comme du monde, ça marche. Tandis qu'une femme, à cause de la beauté et tout ça, là, ça rentre tout en jeu. Mais il y a toujours une balance pareille dans le monde, tout le temps. Il y a toujours un gars qui ne sera pas trop... Bon, je parle plus. Puis une autre catégorie, mais eux autres sont bien tout seuls, puis ils vivent tout seuls. Il y a des gens qui veulent pas vivre à deux. Ils sont bien de même. Il y en a qui veulent, mais ils sont bloqués par leurs attitudes. Moi, j'en sais, j'en connais qui aimeraient bien ça, avoir une compagnie. Ils sont bloqués par leurs attitudes. Fait que... Moi, je vous garantis que si je mettrais une annonce dans un journal... Bachelor, Maître Bernard de Montréal, j'en aurais des téléphones. Faut bien rire un peu. Il y a une petite fille parmi vous autres, elle n'est pas ici t'asseoir, bien similaire. Je pense qu'après 28 ans, 29 ans, 30 ans, hé, hey, cute, t'es jeune. Et tout vous, tout ça. Puis j'avais dit dans le séminaire, j'ai dit, toi, t'as besoin d'une compagnie, rendue à ton âge, une femme de ton âge, ça peut pas être seul. J'ai dit, tu vas t'en rencontrer un, là, dans quelques mois, là. Puis finalement, dernièrement, je l'ai vu, elle avait un petit chum. Elle s'est fait un petit chum par mes séminaristes, là, j'étais content. Tu parles de la main tranquille, parce qu'elle est bien tranquille aux portes, puis lui est bien tranquille aux portes. Fait que deux portes bien tranquilles, ça claque pas. Mais j'étais content pour elle. Toi, Rama, t'es une blonde? Hein? Non. T'as pas de petite salle, toi? T'es un moineau. Moi, je vous marcherais des fois, je dirais, toi, va-t'en avec lui. Oui, va-t'en avec lui. Ah, Seigneur, c'est bon. Moi, ça m'a toujours... Mais je le comprends, cette affaire-là. Mais ils disent qu'il y a plus que des attitudes là-dedans. Il y a des forces qui nous empêchent souvent de nous accoupler ou de rencontrer. Il y a toutes sortes de mécanismes qui se servent aux autres pour que... C'est bien subtil. Et les attitudes, ça fait bien gros partie de ça. Mais l'autre, là, qui est acute, là, puis qui était seule, ça, je comprends pas vraiment. Mais ça, ça la gêne, elle. Ça la gêne. Ben sensible aussi. Fait que, il y a des petites filles ou des femmes qui veulent pas rencontrer n'importe qui, ça, je comprends ça. Parce que les hommes, c'est pas tous des cadeaux. En tout cas, c'est parce que je sais, moi, qu'il y a du monde qui pourrait rencontrer du monde, comme du monde. Je sais. Je peux pas m'initier dans les affaires des gens. T'sais. Mais ça me dépasse. Des fois, ça me fâche. Pour faire un beau courrier du cœur. Ouais. En tout cas, essayez de mijoter ça, à faire des attitudes. Une attitude, ça se manifeste toujours par une vibration. Une attitude, là, ça se manifeste toujours par une vibration. L'intelligence doit être capable de neutraliser cette vibration-là. Là où il y a le danger, c'est que vous autres, dans votre attitude, à cause du fait que ça se manifeste par une vibration, vous allez penser que c'est eux autres. C'est ça qui vous donne la tendance à vous donner raison. Faites attention à ça. Une attitude, ça se manifeste toujours par une vibration. Vous avez tendance à penser que c'est eux autres. Puis effectivement, c'est eux autres. Mais le point n'est pas là. C'est qu'eux autres se servent de l'énergie pour passer à travers de votre corps astral pour qu'il y ait une réaction. Puis c'est là que vous faites prendre. Fait que la femme, ta femme, elle brûle les toasts. Il passe aux autres la vibration. Elle frappe ton corps astral. Toi, tu réagis. Tu t'engueules avec elle. Un jour, quand tu te conscientises, elle brûle tes toasts, la vibration, elle passe, t'as voué venir, tu dis fais un autre. Ou t'en feras un autre. Tu l'engueules pas. T'as contrôlé l'énergie. C'est même ça marche. Fait que mélangez pas le fait que l'attitude puis la vibration est la même chose. L'attitude et la vibration n'est pas la même chose. La vibration, c'est l'énergie qui vient d'eux autres, qui passe dans votre corps astral, qui crée l'attitude, qui a manifeste l'attitude. C'est à vous autres de neutraliser cette attitude-là. Lorsque la vibration vous indique la présence de l'attitude dans votre comportement humain. Comprenez-vous, Denis? Dans la vibration de l'attitude, il y a quelque chose qui dérange, alors que dans la vraie vibration, ça passe tout droit, c'est spontané. Oui, mais là, il y a la souffrance vibratoire aussi qui fait l'image. Il peut avoir une souffrance vibratoire. Elle brûle des toasts, puis t'es pressé, il y a une souffrance vibratoire, mais c'est à toi de contrôler l'énergie de cette souffrance-là. Sans ça, si tu la laisses passer au niveau astral, tu vas faire souffrir ta femme brûlée. L'attitude, c'est justement le fait que vous n'êtes pas capable de contrôler l'énergie. Vous pouvez jamais donner raison à une attitude. Vous pouvez acquiescer à la souffrance, mais vous ne pouvez pas donner raison à une attitude. Parce qu'une attitude, ça sert toujours à diviser. Tout le temps. Les autres. Tout le temps.